À la base, on est tous pareils. Avant de rentrer dans le vice du barrette, connaître le bénéfice du bis de barrette. De père en fils, on connaît le barème. C'est le bif qui nous parraine. Jusqu'à vendre du shit en faisant le carême. Juste pour un gros fer, Porsche Carrera S. Certains laissent leurs petits frères sous le Porsche galérer en Hesse. Car dans la forêt de la vie, souvent la mort te branche. Y'en a qu'on trace, leur avenir. D'autres l'ont tracé dans la planche. Juste pour jouer les barreaux, mais ça devient vœu gras. Avant ils tiraient sur des garrots, maintenant ils l'ont autour du bras. Juste pour faire le 6 gros. En effet, avant t'en connaissais le tarot, maintenant t'en connais les effets. Juste pour l'honneur, certains ont sorti le matériel. Ils trouvaient nul le corps à corps, maintenant ils trouvent plus le sommeil. Partout les histoires se mêlent, pour des euros ou des dinars, tu finiras sous une semelle, même FAB te le dira. Y'a qu'à une pétasse en refrain, faut bien qu'on chante, non? Les frères de rue, les mères en pleurs demandent du changement. Je repeins mon destin en rouge, la vie c'est sanglant. Tendre la main, frère, mourir d'un étranglement. Y'a déjà une pétasse en refrain, faut bien qu'on chante, non? Ça ken dans le bloc ou dans les chiottes, y'a plus d'enchantement. Pour se sortir okay. De la merde, gros, il est 30 ans. Histoire de thune, combien de frères meurent avant 30 ans? Pour une tonne de SNL, j'ai mis la tête vers la mec. Juste pour des vues sur YouTube, des jaloux voulaient me la mettre. Juste pour pêcher cette traînée, toi t'as sorti un gros verre. On passe notre vie à faire la guerre, on trouve même plus le temps de s'aimer. Pour balancer un 16 lourd, j'ai manqué l'Eden trop de fois. Pour payer ses études, elle a dû faire le trottoir. Juste pour une fiche de recherche, j'ai des frères en cavale. Juste pour un manque de respect, ratata rafale. On sort du studio, on sort de coin sombre. Ce serait le bouquet que mon meurtrier vienne et pose une rose sur ma tombe, boy. Bicrave la cam sur Berries, tu pourras avoir une belle vie. Rabat FA baby, 9-3 zoo Belleville. Y'a qu'à une pétasse en refrain, faut bien qu'on chante, non? Les frères de rue, les mères en pleurs demandent du changement. Je repeins mon destin en rouge, la vie c'est sanglant. Tendre la main, frère, mourir d'un étranglement. Y'a déjà une pétasse en refrain, faut bien qu'on chante, non? Ça ken dans le bloc ou dans les chiottes, y'a plus d'enchantement. Pour se sortir de la merde, gros, il est 30 ans. Histoire de thune, combien de frères meurent avant 30 ans? Ouais, RABAH. Demande pas conseil aux grands s'ils ont fini bourrés. Une fois encerclé par les stars, là je dirais que je suis mal entouré. Un. Baby, baby, no more.